Bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission de Cours Le Vieux Monde est derrière toi. Aujourd'hui, vu qu'on a des idées super originales 3 jours avant Noël, on vous a concocté une émission spéciale capsule de Noël. On va vous passer des musiques, vous parler de nos films préférés à regarder cet hiver, et on papotera, comme d'hab. On est bien contents d'entamer les vacances de Noël avec les filles, et on espère que vous aussi. On va de suite débuter cette émission par écouter une chanson que Sarah a choisi de passer. Et bien moi, pour rester un petit peu dans la thématique de Noël, j'ai choisi de passer, je ne retrouve plus le nom, Walking Around the Christmas Tree par Brenda Lee. C'est une chanson qui remonte un peu quand même parce qu'elle est sortie en 1958, donc ça commence à faire. Oui. Et c'est une chanson qu'on entend absolument partout pendant la période de Noël. Donc je vous laisse, vous l'aurez dans la tête après, vous me remercierez. et voilà, on passe tout de suite Walking Around the Christmas Tree par Brenda Lee. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Merci beaucoup Sarah pour la petite vibe Noël. C'était hyper agréable. J'avoue, on va un peu l'entendre partout. Donc je pense qu'on vous a juste repassé le grand classique, mais ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va vous présenter nos films de Noël ou juste regarder cet hiver préféré. Donc Delia, tu voulais nous présenter Winter Break, je crois. Ouais, tout à fait. Alors, en anglais, le nom, c'est The Holdovers. Et en français, ils l'ont traduit par Winter Break. Cherchez l'erreur. Mais c'est un film super, super cool que j'ai vu avec Cassandre, d'ailleurs, qui est sorti en 2023, si je dis pas de bêtises, réalisé par Alexander Payne. Pas si connu que ça, il me semble. Mais donc, c'est un film américain avec les acteurs Paul Giamatti et Dominique Cessa, si ça vous dit quelque chose. Et ça a eu un assez gros succès, en fait, au Canada et aux États-Unis. C'était un peu moins connu en France, mais le film est très sympa. Ça se passe dans les années 70, au Noël de 1970, en fait, à la Boston Academy, donc une université... En Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Et c'est une histoire hyper touchante et assez sympa qui est un peu décalée par rapport au film de Noël qu'on voit d'habitude. C'est pas du tout cliché, romance ou bonne ambiance, mais c'est plutôt, au départ, ça commence assez mal parce que on suit un des personnages principaux, un jeune étudiant à la Boston Academy, qui s'entend assez mal avec sa mère, qui s'est remariée avec un gars insupportable. Et il est assez éloigné de son père, il n'a pas pu le voir depuis longtemps. Et en plus, il doit aller en cours avec un professeur qui est particulièrement insupportable, qui s'appelle Paul Hunnam, dans le film, si je ne dis pas de bêtises, et qui est vraiment super strict, qui note effroyablement mal. Il me semble qu'il leur apprend le grec. Et donc, voilà, le contexte, c'est vraiment un peu la tension et les cours super stricts d'une université. Et puis les vacances de Noël arrivent et en fait plusieurs des étudiants sont contraints de rester à l'internat de l'université parce qu'ils ne peuvent pas forcément rentrer chez leurs parents et tout, donc ils doivent rester à l'université pendant les vacances de Noël. Et certains d'entre eux vont partir faire du ski, sauf un jeune, le héros justement, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Angus Tully. Et du coup, au final, il va se retrouver seul avec le professeur super strict de grec, qui franchement est à première vue totalement insupportable au début du film. Et on a vraiment, mais c'est l'antipathie pure pour ce vieux grincheux. Et en fait, ils se retrouvent tous les deux ensemble avec également une des femmes qui travaille dans les cuisines de l'université. Donc une employée là, et c'est un trio vachement insolite, en fait, d'une cantinière, un prof insupportable et un jeune qui apprécie vraiment pas ce prof et qui s'ennuie. Et ils vont, il me semble qu'ils vont partir en expédition et puis ils vont à Boston tous les trois. Et le jeune en profite pour essayer d'aller revoir son père, justement, dont sa mère a tenté de le séparer. Elle ne voulait pas qu'il aille le voir, etc. Donc c'est un peu dramatique, c'est super triste. Ça se passe dans l'université toute vide. Et puis il essaye de voir son papa, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et sa maman n'est pas très pleine d'empathie, on va dire, vis-à-vis de son fils. Du coup, c'est vraiment triste pour un Noël. Et on se dit, mais c'est horrible, c'est juste un film trop déprimant. Et en fait, le film, dès la deuxième moitié du film, je crois, ça devient vraiment hyper attachant parce que les personnages, alors qu'ils sont hyper éloignés par leurs statuts sociaux et puis partout, parce qu'ils ne s'apprécient pas forcément au début. Et en fait, ils vont devenir vraiment hyper proches, amis, bien s'entendre. Et ils vont fêter Noël ensemble chez des voisins près de l'université. Et ça devient vraiment hyper... Enfin, c'est hyper émouvant comme film, je trouve, parce que trois personnages qui n'ont rien à voir entre eux se rapprochent et ils passent un Noël super mignon et agréable malgré tous les soucis de la vie et ce qui peut être triste. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et puis à la fin, ça finit un peu de manière dramatique, mais super positif, parce que la mère du jeune héros, apprend qu'il est allé voir son père alors qu'elle ne voulait absolument pas. Et du coup, elle veut l'envoyer, un peu le grand cliché, dans un pensionnat militaire aux États-Unis et le faire quitter l'université. Et c'est justement le professeur grincheux de grec, qui semblait n'aimer absolument personne, qui va défendre le jeune et même perdre son poste d'enseignant pour que le jeune puisse rester à l'université, la Boston Academy. Donc c'est hyper mignon à la fin, c'est un peu nostalgie de Noël et à la fois qu'on peut être hyper heureux malgré un Noël qui commence a priori assez mal. Et c'est surtout aussi un message d'empathie et de gentillesse entre les gens, et j'ai trouvé ça super super mignon. Donc je vous recommande Winter Break ou The Holdovers pour vous remonter un petit peu le moral et surtout pour passer un bon moment. Eh ben, merci beaucoup, Delia, pour cette recommandation. Moi, je vais vous parler... Bon, c'est un grand classique, je pense que vous le connaissez. C'est Home Alone, ou alors Maman, j'ai raté l'avion. Donc, c'est un de mes films préférés de Noël, même si c'est un classique. Donc, c'est l'histoire d'une famille nombreuse qui habite à New York et qui décide de partir pour Noël. Sauf qu'en fait, le petit garçon, qui doit avoir, 8 ans, un truc comme ça, donc qui est vraiment petit, rate le départ de la maison et donc rate son avion. Et du coup, il se retrouve tout seul dans sa maison à Noël. Ses parents ne se rendent même pas compte qu'il n'est plus là, et parce que c'est vraiment une famille nombreuse. Et donc, en fait, il va lui arriver plein d'aventures avec des inconnus, tout ça, à Noël. Et donc, c'est vraiment une comédie qui est parfaite à regarder pour les vacances d'hiver. Voilà, donc je ne peux que vous la recommander. En plus, c'est un vieux film de Noël. Et enfin, moi, perso, j'aime trop les vieux films de Noël. Voilà, du coup, je vous le recommande à fond. Voilà. Ensuite, j'ai un autre film à vous recommander. Bon, ça, c'est pas spécifique à Noël, mais c'est un film d'hiver. C'est Un jour sans fin, donc avec Bill Murray. Peut-être que vous l'avez déjà vu, ou en anglais, ça s'appelle Groundhog Day. Donc, c'est Le jour de la marmotte. C'est une comédie romantique et fantastique américaine sortie en 1993. Le film, il retrace l'histoire de Phil Connors, donc qui est interprété par le fameux Bill Murray. C'est un présentateur météo très cynique qui doit couvrir en fait le traditionnel jour de la marmotte dans une petite ville en Pennsylvanie aux États-Unis. Et en fait, il se retrouve bloqué dans une boucle temporelle qui le force à revivre à l'infini la même journée. Donc en fait, en plus, c'est une journée complètement d'horreur parce que c'est une journée très traditionnelle. Il tombe à chaque fois dans la même flaque, il recroise les mêmes personnes insupportables, donc c'est vraiment très comique. Donc il revit à vie, en fait, la journée du 2 février. Voilà. Donc c'est un film très drôle et je vous le recommande, particulièrement pour cet hiver. Voilà, voilà. Moi, comme film un peu de Noël, d'habitude, c'est vraiment quelque chose... Enfin, je regarde pas de film de Noël, d'habitude, j'avoue, c'est pas du tout... Enfin, ouais, c'est pas un truc que je fais. Et en fait, il se trouve que hier soir, je suis allée voir un film de Noël. Du coup, comme quoi, bah voilà, l'exception qui confirme la règle. Et du coup, hier, je suis allée au Méliès et je suis allée voir Tokyo Godfathers. C'est un film qui est sorti, c'est un film d'animation japonais qui est sorti en 2003. Il a été réalisé par Satoshi Kon. Et en fait, c'est l'histoire de 300 abris. On a Jin qui est ruiné parce qu'il s'est complètement endetté. Anna qui est un travesti très mélodramatique. Et on a aussi Miyuki qui est une jeune fugueuse. Le soir de Noël, en fouillant les poubelles, il se trouve un petit bébé. Ils vont le recueillir et surtout ils vont tenter de retrouver ses parents après beaucoup d'hésitations. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le ramène à la police? Ils décident de tout faire pour retrouver les parents de l'enfant. Et du coup, on va les suivre pendant 6 jours, donc du 24 décembre au 1er janvier. Ils rencontrent pas mal de galères quand même parce que c'est compliqué quand on est sans abri d'essayer de rassembler des sous pour prendre un billet de train. Ils vont vraiment se heurter à beaucoup de préjugés, beaucoup de galères. Mais il y a beaucoup d'humour et vraiment, ils ont avec eux vraiment l'esprit de Noël. C'est pas du tout kitsch dans le film, mais vraiment, ils sont vraiment bénis des dieux parce qu'à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir. Et c'est assez beau comme film, je trouve. En fait, ça montre un peu, je sais pas, c'est vraiment la magie de Noël, mais sans en faire trop. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce film parce qu'en fait, les trois personnages, ils vont vraiment... se retrouver confrontés à leur passé et peut-être régler certaines choses. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était vraiment... je sais pas, voir un peu... ils étaient assez profonds, ces personnages. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc vraiment, c'est un très bon film à voir. Voilà. Tokyo Godfathers. Merci beaucoup. Moi, je vous propose de vous faire écouter une petite chanson de Fountains D.C. qui s'appelle « It's Amazing to be Young ». Donc un grand classique avec Fountains D.C. et j'aime particulièrement cette chanson parce que je trouve que le message est super positif face à la déprime de l'hiver et puis au cynisme un peu de certains face au contexte politique et écologique actuel qu'en fait il faut pas oublier de quand même profiter parce que c'est génial d'être jeune. Donc voilà, on vous passe ça tout de suite. It's Amazing to be Young de Fountains D.C. It's the cops that brings you down, but it's amazing to be young. Sometimes I wake up and it's Eh ben merci beaucoup Delia pour la découverte. On va passer tout de suite aux inspirations culturelles. Alors moi, comme inspi de ce mois-ci, je vais vous parler d'une chanteuse que j'aime particulièrement. Bah, ça fait longtemps, c'est pas nouveau, c'est depuis que je suis toute petite. C'est Laetitia Fournier du groupe Rayon d'Howard. Et je l'ai particulièrement écoutée ce mois-ci. Voilà, du coup, je vais un peu vous la présenter. Donc Raymond Howard, c'est un one-woman band mené depuis une quinzaine d'années par Laetitia Fournier. C'est une compositrice stéphanoise que j'écoute depuis que je suis née et que j'adore. On est dans une ambiance un peu post-punk où on suit le rythme d'une ex-Riot Girl. Ses morceaux sont entraînants, elle possède une technique musicale toujours plus audacieuse et qui ne rate jamais. L'album que j'aime le plus, c'est For All the Breezes, Black Eyes and Peas, qui est sorti en 2010. Donc, on va écouter tout de suite une chanson de cet album qui s'appelle Who's Got the Girls. I've been to this place many times, I've never seen you. You've been to this place many times, you've never seen me. Oh, come on, honey. We've been living together for 10 years now, and we've never seen each other. Oh, yeah, let's have a drink together. Oh, yeah, here at the counter. Cheers, honey. And you know what? I'm gonna tell you something. And you know what? I'm gonna tell you something. This is the difference between you and me, honey. Are you sure you're ready to hear it? I've got the girls, I've got their numbers. I've got the girls. beaucoup, Cassandre, pour la découverte. C'est hyper sympa. Et moi, j'aimerais aussi vous parler d'une chanteuse, mais qui fait de la musique depuis un peu moins longtemps, je pense, qui s'appelle Olivia Dean. Elle est britannique et elle a sorti 2 albums, un premier en 2023 et un deuxième cette année en septembre, là justement, qui s'appelle The Art of Loving. Et je l'ai découvert complètement par hasard sur Deezer il y a quelques semaines. Et je le trouve vraiment hyper sympa, alors que en écoutant le premier album et ses quelques EP précédents, c'était un peu de la musique pop folk assez tranquille, mais pas qui m'a pas particulièrement accroché plus que ça. Ça faisait très radio. Et par contre, cet album The Art of Loving est vraiment hyper hyper cool. C'est un peu R&B pop soul, mais je trouve ça très calme et à la fois un peu l'esthétique clean girl, même si c'est un peu cliché, mais c'est vraiment de la musique très très agréable et en même temps assez entraînante et dansante. Du coup, je trouve que c'est un équilibre bien sympa entre de la musique calme et de la musique qui te redonne de l'énergie, du peps. Et surtout, ce que je trouve particulièrement bien avec cet album, c'est que quasiment toutes les chansons me plaisent particulièrement. Et il y en a peut-être une ou deux qui sont un peu classiques. Et plusieurs sont vraiment sortent du lot et c'est assez rare d'avoir autant de chansons cool sur un album. Et surtout pour une chanteuse assez jeune comme ça, parce que je crois qu'elle a commencé la musique en 2021 ou 22 maximum. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool. Et je vous encourage vraiment à aller écouter cet album qui a une vibe très, très compliquée à décrire entre jazz, pop, un peu folk, soul. Et c'est parfaitement... parfaitement l'ambiance hiver pour rester au chaud dans sa bulle de musique, pour profiter quand il fait froid et quand il fait gris dehors et pour pas déprimer surtout. Et je trouve aussi qu'elle a une très belle voix, mais qu'elle prend pas non plus toute la place par rapport à la musique qu'elle fait, qu'il y a vraiment un peu une recherche musicale plus qu'il ne peut y en avoir chez certaines chanteuses pop actuelles qui sont un peu trop, à mon goût, axé sur les paroles et les vocalises et pas assez sur la musique. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que Olivia Dean, c'est vraiment sympa. Et j'ai choisi de vous faire écouter une de mes chansons préférées de l'album, même s'il y en a plusieurs et que c'était difficile de choisir. Mais celle qu'on va écouter, c'est Close Up de Olivia Dean. Et c'est tout de suite. Call me again. Chasing rabbits don't usually end with happy ever after. And you make reality feel so bizarre just because of the person you are. And I'm asking all the questions like, how can you get close to someone you keep out of reach? And where does that leave me? Something you I'm Et bah moi, qui, franchement, déjà, j'ai kiffé la musique. Voilà, je l'ai dit. Moi, pour mon inspi culturel du mois, j'ai choisi un film que j'ai vu au début du mois, qui s'appelle Pride et qui est sorti en 2014. C'est un film de Matthew Warchus. C'est un peu un film un peu documentaire et un peu fiction. Ça revient sur tous les événements qui ont eu lieu sous la présidence, si on peut dire comme ça, de Margaret Thatcher en Angleterre. Pendant toute la période de la grève des mineurs. Ça se passe, du coup, on rencontre nos personnages au moment de la Pride, au moment où des activistes gays et lesbiennes vont décider de s'allier pour venir en soutien aux mineurs et soutenir leur grève. Face à ces activistes, le syndicat national des mineurs va pas trop savoir quoi faire de leur aide, et au début ils vont un peu être rejetés par ce syndicat, et finalement ils vont réussir à trouver des alliés dans un village minier absolument paumé dans le pays de Galles, et du coup ça va être vraiment la rencontre entre les deux communautés, ceux qui vont devenir les LGBTQ+, et les mineurs. Et du coup, c'est vraiment... j'ai trouvé ce film très intéressant parce que ça revient... c'est historique, mais c'est vraiment pas chiant. Et c'est vraiment... des fois, les films historiques, c'est un peu redondant. Et là, c'était vraiment super intéressant. Mais j'ai adoré... j'adore le thème aussi, lié à tout ça, à l'histoire des minorités, un peu. Et du coup, ça m'avait vachement plu. On te rencontre un personnage. Le personnage principal, il s'appelle Joey Cooper. Et lui, il se cherche encore un peu... Il rejoint un peu en secret ses activistes et il va faire il va devenir photographe. Il va un peu aussi découvrir qui il est. Et au final, il va finir par quitter son foyer parce que sa famille ne l'accepte pas. Et c'est assez triste, d'ailleurs. Et moi, j'avais trouvé ce film très bien parce qu'il est très, très bien réalisé. On voit vraiment tous les enjeux... lié à ce sujet, donc un peu le rejet des personnes homosexuelles qui sont pas forcément très bien vues, surtout à cette époque encore plus. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et ce film, je le lis beaucoup à une musique que j'ai beaucoup écoutée aussi ce mois-ci, qui est Small Town Boy de Jimmy Somerville, des Bronski Beat, pour ceux qui connaissent. L'histoire d'un gars d'un jeune qui part un matin pour toujours de chez lui parce que il est homosexuel et sa famille ne l'accepte pas. Du coup, un matin, il part, et cette chanson, elle parle de ça, et je la trouve extrêmement touchante. Sincèrement, je peux pleurer avec cette chanson, et elle est vraiment bien. Elle a été reprise pas mal de fois, notamment par les deux chanteuses du groupe Birds on the Wire, Dom La Nena et Rosemary Stanley, et la version d'ailleurs est vraiment bien. Elles ont fait une petite collaboration avec la maîtrise de Radio France, et c'était vachement bien. Moi, je vais vous passer la version originale de Small Town Boy, et d'ailleurs je voulais en profiter aussi pour envoyer tout mon soutien, vraiment gros cœur, à toutes les personnes pour qui cette période de fête n'est pas vraiment une fête, que ça soit pour des problèmes familiaux, des problèmes de santé ou d'autres choses. Je sais que c'est vraiment une période où tout le monde se retrouve, et des fois quand on est pas très bien, on voit tous ces gens qui sont heureux et on se dit mais pourquoi nous on n'est pas bien, genre. Et on est avec vous, sincèrement, de tout cœur. Et beaucoup beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. On pense à vous, vraiment. Et du coup, tout de suite, on s'écoute Small Town Boy de Jimmy Somerville. Thank you. Eh ben, merci beaucoup Sarah pour cette chanson que j'aime beaucoup aussi. Bref, du coup, on voulait vous dire déjà que même si on fait une émission sur Noël, Noël c'est un peu quand même une fête super commerciale et on n'invente rien. C'est un peu une fête complètement capitaliste et tout ça qui pousse à la surconsommation. Et avec les filles, on voulait vous dire, parce qu'on vient d'en parler avec Sarah, que vraiment à Noël, genre c'était cool, enfin on trouvait que c'était cool d'offrir de la seconde main et qu'il fallait pas hésiter en fait. Même si parfois il y a des gens qui peuvent être un peu réticents à cette idée. D'ailleurs, Sarah, je crois que tu connais pas mal de petites adresses stéphanoises. Ah, moi je suis à fond. Hein. Alors, pour vous en citer quelques-unes, on a pas mal de boutiques d'artisans à Saint-Étienne, je prétends pas toutes les connaître, mais il y a déjà le Homard qui est rue de la République. À l'avenue de la République, je crois que c'est le... Rue de la République. Ouais. Rue de la République. J'ai vécu dans cette rue en plus, la honte. Mais voilà, il y a le Homard. On a aussi plein de boutiques, genre les Chatoyantes, la Femme à Barbe, pas loin du Pain du Loup d'ailleurs. Voilà, c'est pas loin du Sephora pour ceux qui voient, vers la place d'Orient. On a aussi plein de boutiques de seconde main. N'hésitez pas à offrir des bijoux, des cravates, des accessoires, tout ce genre de trucs. Et là, il y a plein de friperies à Saint-Etienne. Je pense à Mélodie la Fripe. À Dilos de Chiffon aussi, qui est vraiment une friperie mais trop stylée que j'adore. Il y a aussi du coup plus classiquement les Emmaüs, tout ce genre de trucs, enfin vraiment n'hésitez pas. Il y a la Belette aussi qui est sympa comme aussi. Ouais, comme friperie, incroyable. Des fois j'y vais juste pour la déco carrément. Ah mais vraiment, mais c'est l'ambiance. Ouais, donc vraiment n'hésitez pas à aller là-bas en fait et à offrir des cadeaux de seconde main. Parce que, ouais, les vêtements de friperie ne sont pas sales, promis. Vous les lavez si vous n'êtes pas sûr. Mais aussi, en termes de cadeaux un peu plus éco-responsables, vous pouvez aussi, avec moins d'impact, on va dire, il y a aussi les cadeaux événements qui font grave plaisir. Genre, je ne sais pas, aller faire de l'acrobranche. Totalement. Sais pas. Vraiment, offrez des moments aussi. Un voyage ou n'importe quoi, si vous voulez mettre un gros budget. Ça vous fait super cool. Mais voilà. Et puis même, il y a aussi tous les cadeaux faits main, même si après, bon, faut avoir un peu de... Ouais, à 3 jours de Noël, là, ça commence à être chaud, mais vous pouvez si, encore. Si, ça le fait. Mais en vrai, n'oubliez pas, si vous savez faire du crochet, tricoter, coudre, si vous adorez tous les trucs un peu crafty, manuels et tout, c'est carrément parce une bonne c'est idée. C'est ce qui fait le plus plaisir, honnêtement. Et c'est pas juste des cadeaux colliers de pâtes pour les parents, non, il y a vraiment des trucs super cool qu'on peut faire. Ouais. Voilà, donc on voulait juste vous dire ça quand même. Et après aussi, on voulait vous partager peut-être quelques petites anecdotes de Noël, vu qu'on est sur une émission comme ça. Je crois que ça, t'en avais ? J'en ai quelques-unes. Moi, je vais vous raconter la fois, c'était à Noël dernier même, le Noël où on a pété les plombs et où on avait les boules. Je vous explique. Alors, à Noël dernier, c'était le premier Noël qu'on passait sans ma grand-mère parce que du coup elle est morte il y a 2 ans, 1 an, waouh, c'est vrai, ça va faire 2 ans. Ouais. Et du coup c'était vraiment, on avait les boules, enfin vraiment on était dégoûtés, on s'est retrouvés en famille. Moi j'ai toujours fêté Noël en comité très restreint, donc il y avait mon grand-père, ma mère, ma sœur et ma tante. Du coup c'est vraiment, non, je suis pas du tout habituée au grand repas de famille avec le tonton relou et tout, genre moi j'ai pas de tonton relou perso, enfin en tout cas du côté de ma famille, hors belle famille, j'ai cette chance. Si jamais vous avez des anecdotes avec vos tontons relous, c'est le moment d'y réfléchir, je vous vois. Et c'était vraiment ce Noël, on était tous un peu triste, mais on était quand même ensemble, et ça du coup on était contents. Et ce Noël, on a eu un sapin en bois. C'était la première fois qu'on avait un sapin en bois, et du coup on a dû accrocher les boules de Noël sur le sapin. Et en fait on n'arrêtait pas de faire des blagues avec les boules, genre c'était vraiment la blague de ce Noël là. Et le 24 décembre du coup on a mangé, d'ailleurs en plus on avait mangé un dessert, c'était des boules de Noël en chocolat, enfin, vraiment c'était le Noël des boules vraiment, mais c'était que ça. Et le 24 décembre on met la table, tout ça, on avait préparé plein de choses à manger, c'était trop cool. Et là on met du pain je crois à griller, et le courant saute. Genre, les plombs nous lâchent. Du coup, on s'est retrouvés dans le noir le 24 décembre. Et du coup, on a dû aller chercher je sais plus comment ça s'appelle, la boîte électrique, là où il y a le disjoncteur. Ouais. Du coup, on a dû changer ça, tatatitata. Mais du coup, maintenant, on sait où est le disjoncteur. Du coup, on a dit merci, mamie, d'avoir fait sauter les plombs. Et c'était l'histoire du Noël où on avait les boules et on a pété les plombs. Voilà, c'était super. Et franchement, j'en ai un mignon. Super souvenir de ce Noël. Vraiment, c'était chouette. Oh, c'était super cute. C'est trop, trop mignon. Moi, j'ai une petite anecdote de Noël, mais que je pense beaucoup d'entre nous ont pu partager dans leur vie. Je me souviens de quand j'étais très petite, donc dans les genre 6-7 ans, d'avoir fait un Noël dans ma famille. On était allés chez des cousins. Et un des adultes s'était déguisé en Père Noël pour venir amener les cadeaux dans la nuit. Et nous, on était cachés dans la cuisine, dans le noir, et on a vu le Père Noël venir amener des cadeaux et tout. Donc déjà, la mise en scène était vraiment incroyable. On applaudit l'effort parce que c'était hyper mignon. Mais le côté un peu cocasse de l'anecdote, c'est que le lendemain, dans un genre de placard, enfin je sais pas, une petite pièce à côté dans laquelle on n'était pas trop censé aller, genre une espèce de garage cellier, un truc comme ça, on a trouvé le déguisement du Père Noël le lendemain. Oh, mais c'est affreux. Et en vrai, j'avoue, ça m'a pas trop traumatisée sur le moment, ça m'a plutôt beaucoup fait rire, alors que je croyais dur comme fer au Père Noël hein, à l'époque. Mais je pense que je réalisais pas, je me suis dit ah bah trop drôle, ils sont déguisés en Papa Noël. Genre, t'avais pas fait le lien. C'était vraiment le vrai Père Noël qui était venu. J'étais un peu sur mon nuage, mais voilà, c'était assez marrant quand on découvre la supercherie. Je pense que ça arrive assez souvent quand même, parce que tout le monde n'a pas des talents d'acteur de vieil homme qui vient de la Laponie. Donc, mais voilà, mais c'est très mignon. C'est, ça m'a fait penser à quelque chose. Vas-y, on t'écoute. Maintenant, direct. Ah bah ouais. Direct. Une année, c'est moi qui ai dû faire le Père Noël. Non, je vous jure que c'est vrai. Arrête. Par contre, je veux une photo, qu'on soit clair. Ah non, j'ai pas de photo, il y a rien. Heureusement, parce que sincèrement, c'était la honte. Donc en fait, on était dans la maison de vacances, qui est pas très loin d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent, La Goutte. Voilà, faut connaître. C'est pas très loin d'ici. C'est une espèce de hameau, j'aurais même pas expliqué. Okay. Mais bref, on était dans cette maison-là qui appartient à la famille de ma belle-mère. Et du coup, on s'est tous retrouvés. Il y avait un peu plus de. Enfin, il y avait pas mal de gens. On était ma belle-mère, mon père, les grands-parents, les petits cousins. Les petits cousins qui étaient petits, du coup. Et qui, du coup, croyaient encore au Père Noël, dont mon frère. Et en fait, genre, les parents m'ont donné une combi, là, du Père Noël. J'ai dû la mettre. Elle était 10 fois trop grande, en plus. Ils m'ont donné une espèce de hotte. Enfin, c'était ridicule. J'ai dû courir dans le jardin avec les cadeaux. Avec les petits à l'étage. Non, mais c'était catastrophique. Sincèrement, je pense qu'ils croient plus au Père Noël à cause de moi. Parce que vraiment, c'était mais. Ça a ruiné le Noël. Chaotique. Mais quelle idée de demander à quelqu'un de jeune. Genre, ils pouvaient pas le faire. Au secours. Mais c'est trop mignon. Mais voilà, c'était un peu drôle quand même. Ah bah oui, c'est plus que drôle. Heureusement, il n'y a pas de preuve de ça, parce que moi, j'en trouverai un jour. C'est quand même un peu dommage qu'ils aient pas fait de photos du Père Noël. Ouais. Ça aurait été drôle. Ça aurait été très drôle. Moi aussi, quand j'étais petite, j'ai eu le droit à un ami de mes parents qui s'était déguisé et qui est venu m'apporter en main propre un doudou qui s'appelle Pistache, qui est encore super cute. Oh. Et non, vraiment, j'y ai cru tout le long. Et pour le coup, j'ai plein de photos. C'était vraiment le Père Noël parfait, hein, je vous promets. Mais bon, c'était pas très mignon. Moi, j'étais pas crédible du tout. C'est pas grave. Et moi, je voulais aussi une petite idée. Sarah, t'en as un peu parlé. Juste aussi donner un peu des idées d'activités un peu diverses pour les gens qui fêtent pas forcément Noël ou alors qui kiffent pas particulièrement Noël, parce que c'est totalement OK. Enfin, tout le monde aime pas forcément les grosses fêtes comme ça de fin d'année. Et déjà, je pensais à la neige qui se fait un petit peu rare en ce moment. C'est un peu déprimant. Et pour ceux qui aiment bien quand même voir la neige, n'hésitez pas à aller dans le Pila, parce que franchement, c'est vraiment pas loin du tout. Et que l'hiver, quand il a neigé un petit peu, c'est vraiment hyper beau de faire une petite balade, une petite randonnée dans le Pila. Et il y a d'ailleurs la Jasserie. Donc je suis pas sponsorisée par la Jasserie, mais c'est un petit restaurant où on peut aussi prendre un goûter ou boire un coup. Ils font des tartes aux myrtilles vraiment délicieuses déjà. Et c'est vraiment un endroit super cool avant ou après la balade, ou même à la place de la balade, aller à la Jasserie pour le décor. Donc voilà, n'hésitez pas et pensez que pas loin, on peut voir des arbres enneigés et que c'est vachement sympa. Comme autre activité, on a aussi allé au cinéma, parce que le Méliès, ils font un calendrier de l'Avent avec plein d'événements, des films de Noël et tout. Bah, par exemple, ils ont repassé Tokyo Godfathers, qui date quand même de 2003. Enfin, voilà, ils repassent plein de films et tout, et franchement, c'est trop chouette. Donc n'hésitez pas, ils ont vraiment un super programme. On kiffe. Trop bien, j'ai vraiment envie d'aller au cinéma en plus. Ça fait vraiment longtemps. Ok, trop cool. Et ben maintenant, je vous propose de passer une petite musique de Noël. C'était ton idée, Cass, d'ailleurs. Merci de m'afficher. Non mais non, ça oui, oui, oui, oui. Du coup, ouais, je voulais passer Snowman de Zia qui est sorti en 2017, je crois. Et oui, j'ai dit Zia, délire, envie de me tuer. C'est pas grave, c'est Zia, mais elle te pardonne. Enfin bref, on va passer ça. Insupportable. Une petite musique de Noël, voilà, pour nous remettre dans le thème. Parce que Sia, c'est vraiment la plus grande en termes de musique de Noël, après Mariah Carey peut-être. Sia. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby, I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come. Et voilà, c'était Snowman de Sia. On espère que ça vous a plu, la vibe Noël. Même pour ceux qui kiffent pas forcément Noël, le bonhomme de neige, franchement, c'est universel. Je pense que c'est un kiff d'enfant universel, à mon avis. Donc c'est vraiment, oui. Vraiment mimi. Et petite autre intermède musical, parce qu'on n'a jamais assez de musique dans sa vie. Je vous propose d'écouter Stand By Me de Oasis, parce que c'est un peu un grand classique que j'ai réécouté dans la semaine, et je me suis dit pourquoi pas mettre un peu de peps. Go away. De le faire depuis le début de l'émission. Attends, il faut le refaire à 3. 1, 2, 3. Voilà, ma passion. J'ai trouvé ça en arrivant à la réponse. Pour vous souhaiter un joyeux Noël. Pour vous souhaiter un joyeux Noël et pour terminer en beauté notre émission Cours Santa, le vieux monde est derrière toi. On espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, intéressé, tous les verbes qui vont bien. Et surtout, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes, ou en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et de profiter quand même des gens que vous aimez. Courage surtout si vous travaillez encore, courage quand il fait gris, quand il fait froid, et courage pour ceux qui ne peuvent pas forcément passer un bon moment à Noël. Et on espère que ça vous a plu. On vous fait des gros bisous comme d'habitude. Et on se retrouve le mois prochain. Bisous. En 2026. En 2026, notre prochaine émission radio vous donne rendez-vous. On espère que vous serez là. Et on vous passe une dernière fois Somber, I Wish I Knew How to Quit You, pour se dire au revoir. À l'année prochaine. À l'année prochaine.